Œuvre complète de saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et compagnie, 1868. Extrait, de ce qui est bien dans le mariage. Chapitre 7, indissolubilité du mariage. Garder la continence, c'est l'état le plus parfait, rendre le devoir conjugal est une chose permise, l'exiger en dehors des nécessités de la génération, c'est un péché véniel, commettre la fornication ou l'adultère, c'est un péché mortel. La charité conjugale exige donc que l'un des époux, sous prétexte de mériter davantage, se garde bien d'être pour l'autre une cause de damnation, car, celui qui renvoie sa femme, sauf le cas de fornication, la pousse à l'adultère. Matthieu 5, 32. En effet, le pacte nuptial est si sacramentel qu'il n'est pas même rompu par la séparation des époux. Tant que son époux est vivant, eût-elle été renvoyée par lui, la femme commet l'adultère en connaissant un autre homme, et le mari, en la renvoyant, s'est fait la cause de ce crime. 7. Puisqu'il est permis de renvoyer sa femme surprise en adultère, est-il aussi permis d'en épouser une autre? L'Écriture donne lieu, sur ce point, à une difficulté assez grave. L'apôtre, promulguant en cela un précepte du Seigneur, déclare que la femme ne doit point se séparer de son mari, et que, si elle s'en sépare, elle doit rester sans mari, ou se réconcilier avec le sien. 1 Corinthiens 7, 10, 11. En voici la raison. En se séparant d'un mari qui n'est point adultère et en suspendant toute relation conjugale, elle exposerait son époux à tomber dans l'adultère ou l'impureté. Mais elle peut en toute justice se réconcilier avec lui, soit en tolérant son inconduite, si pour elle-même la continence est impossible, soit surtout en le ramenant à des sentiments meilleurs. Dès lors, je ne vois pas sur quoi l'on peut s'appuyer pour soutenir que l'homme, dont la femme est adultère, peut, après l'avoir quittée, en épouser une autre, puisque, dans le même cas, la femme ne peut convoler à de nouvelles noces. S'il ne peut en épouser une autre, c'est que le lien conjugal d'abord formé dans le but d'avoir des enfants est tellement indissoluble, qu'il ne peut être rompu pour chercher la génération dans un autre mariage. Autrement, tel homme dont la femme est stérile, pourrait la renvoyer et en épouser une autre, avec laquelle il aurait des enfants. Or, agir ainsi serait un crime. La loi en vigueur de nos jours et appuyée sur la coutume romaine, ordonne de n'avoir qu'une seule femme vivante, et cependant après le divorce pour cause d'adultère, de la part de l'un ou de l'autre des deux époux, il pourrait encore naître des enfants, s'il était permis de contracter un nouveau mariage. La loi divine le défend d'une manière absolue, et c'est là ce qui prouve à tout homme réfléchi la force irrésistible du lien conjugal. Pourrait-il en être ainsi, si le sacrement ne venait fortifier la faiblesse humaine et s'imposer aux hommes jusqu'à leur faire craindre un châtiment infaillible, s'ils renoncent au lien conjugal, ou s'ils cherchent à le dissoudre? Une séparation peut avoir lieu, mais l'union des époux ne sera pas brisés, ils resteront époux, même après s'être séparés, et s'ils s'abandonnent à la licence de leurs mœurs, ils se rendent coupables d'adultère à l'égard de ceux avec lesquels ils restent unis, la femme à l'égard de son mari réciproquement. Le mariage, jusqu'à ce point indissoluble, n'est possible que dans la cité de notre Dieu et sur sa montagne sainte. Psaume 47. Chapitre 8. Le divorce chez les gentils et chez les juifs. Le mariage est un bien, quoique moindre. Il n'en est point ainsi du mariage parmi les nations païennes, chez elles, par le fait seul de la répudiation, et sans que la justice humaine s'en occupe aucunement, la femme peut épouser un autre mari, et réciproquement. Moïse, de son côté, cédant à la dureté des Israélites, semble leur avoir permis quelque chose de semblable en les autorisant à donner le libelle de répudiation. Deutéronome 24, 1. Et en cela je trouve plutôt la condamnation que l'approbation du divorce. 8. Le mariage doit donc être honorable en tout et le lit nuptial immaculé. Hébreux 13, 4. En disant que le mariage est bon en lui-même, nous ne parlons pas d'une bonté relative, comparativement à la fornication, autrement mariage et fornication ne seraient que des mots, dont l'un seulement serait plus grand que l'autre. Ou bien la fornication serait bonne parce qu'elle est un moindre mal que l'adultère, puisque c'est une plus grande faute de violer le mariage d'autrui, que de s'attacher à une concubine. L'adultère, à son tour, serait bon, parce qu'il est un moindre mal que l'inceste, car souiller sa mère est un plus grand crime que de violer une femme étrangère, ainsi de suite, en descendant jusqu'à ces hontes que l'apôtre défend de nommer. Tout sera bon, comparé à ce qui est pire. Éphésiens 5, 12. La fausseté d'un tel raisonnement est évidente. Le mariage et la fornication ne sont pas deux mots, dont l'un serait plus grand que l'autre. Au contraire, le mariage et la continence sont deux biens, dont l'un est supérieur à l'autre. De même, la santé et l'état de souffrance ne sont pas deux mots, dont l'un serait plus grand que l'autre, tandis que la santé et l'immortalité sont deux biens, dont l'un est supérieur à l'autre. Enfin, la science et la vanité ne sont pas deux mots, à condition que celui-ci soit le plus grand, mais la science et la charité sont deux biens, celle-ci l'emporte sur la première. La science sera détruite, dit l'apôtre, et cependant elle est nécessaire en cette vie. Quant à la charité, elle ne tombera jamais. 1 Corinthiens 13, 8. De même, cette génération mortelle qui est le but du mariage disparaîtra, tandis que la continence qui est ici-bas un commencement de vie angélique restera éternellement. De même donc que les jeûnes des pécheurs sont moins méritoires que les festins des justes, de même le mariage des filles fidèles l'emporte sur la virginité des filles qui n'ont pas la foi. Toutefois, dans ces hypothèses, ce n'est pas le festin que nous préférons au jeûne, mais la justice au péché, ce n'est pas le mariage que nous préférons à la virginité, mais la foi à l'impiété. Enfin, si les justes mangent quand il en est besoin, c'est afin de se montrer bon maître à l'égard du corps leur esclave, et de lui accorder ce qui est juste et équitable, tandis que le jeûne des pécheurs sacrilèges tourne directement au service des démons. De même, si les filles fidèles se marient, c'est pour avoir, avec leurs époux, des relations chastes et modestes, tandis que dans une fille païenne la virginité est une véritable fornication contre le vrai Dieu. Marthe, en servant les saints, faisait une bonne action, mais Marie faisait encore mieux en se prosternant aux pieds du Seigneur et en recueillant sa parole. Luc 10, 39 à 42. Nous louons en Suzanne la chasteté conjugale, Daniel 13, mais en cela même elle est inférieure à Anne la veuve, et surtout à la Vierge Marie. Luc 1, 27, 2, 36, 37. Les femmes qui, sur leur fortune, fournissaient le nécessaire à Jésus-Christ et à ses disciples, faisaient bien, Mais cela faisait mieux encore qu'il renonçait à tout pour suivre plus facilement le Sauveur. Or, dans toutes ces circonstances, et ceux qui abandonnaient tout et ceux qui imitaient Marthe et Marie, ne pouvaient aspirer à un état plus parfait qu'en quittant l'état moins parfait. D'où il suit que le mariage ne doit pas être considéré comme un mal, bien que dans le mariage on ne puisse pratiquer ni la chasteté viduelle ni l'intégrité virginale. De même, les fonctions de Marthe n'étaient pas mauvaises, bien que sa sœur, si elle l'eût imitée, n'aurait pas fait ce qui était mieux. Enfin, ce n'est pas un mal de donner l'hospitalité à un juste ou à un prophète, bien qu'on ne doive point avoir de maison, quand on veut suivre Jésus-Christ jusqu'à la perfection. Chapitre 9. En quoi consiste la bonté du mariage? 9. Il est à remarquer que parmi les dons de Dieu, il en est que l'on doit rechercher pour eux-mêmes, tels sont la sagesse, la santé, l'amitié, il en est d'autres qui ne sont nécessaires que comme moyens, tels sont la science, la nourriture, la boisson, le sommeil, le mariage et les relations conjugales. Parmi les derniers actes, les uns sont nécessaires à la sagesse, telle est la science, les autres sont nécessaires à la santé, tels sont la nourriture, le breuvage, le sommeil, d'autres enfin sont nécessaires à l'amitié, comme le mariage est l'acte qui lui est propre, car c'est sur lui que repose la propagation du genre humain, pour qui les relations de l'amitié sont un bien si grand. Quant aux biens qui sont nécessaires comme moyens, celui qui n'en use pas dans le but qui leur est assigné, pêche tantôt véniellement, tantôt mortellement. Au contraire, c'est bien agir que d'en user d'une manière subordonnée à leur but, mais ne pas en user quand ils ne sont pas nécessaires, c'est agir bien mieux encore. Les désirer quand le besoin s'en fait sentir, c'est bien, mais c'est mieux encore de ne pas en vouloir, car c'est pour nous un état plus parfait de ne pas en avoir besoin. D'où il suit qu'il est bon de se marier, parce qu'il est bon de créer des enfants, d'être mère de famille. 1 Timothée 5, 14. Mais il est mieux de ne pas se marier, car il est mieux, pour le bien même de la société, de ne pas avoir besoin du mariage. Je m'explique ainsi, parce qu'aujourd'hui nous trouvons, non seulement parmi ceux qui sont engagés dans le mariage, mais même parmi ceux qui s'abandonnent à des relations coupables, où le Créateur change le mal en bien, assez d'hommes à qui il accorde de nombreux enfants et de riches successions, pour qu'on puisse contracter de saintes amitiés. De là vient qu'aux premiers âges du monde, dans le but de multiplier les enfants de Dieu, de prophétiser et de préparer la naissance du Prince et du Sauveur de tous les peuples, les saints ont dû user du mariage, non pour eux-mêmes, mais pour servir d'instrument au dessein de Dieu. Aujourd'hui que, parmi tous les peuples, on voit se former avec activité des unions toutes spirituelles, pour établir la sainte et véritable société. On ne doit pas laisser ignorer à ceux-mêmes qui n'aspirent au mariage que dans le désir d'avoir des enfants, qu'il serait mieux pour eux d'embrasser l'état plus parfait de la continence. Chapitre 10. Objection contre la continence. 10. Mais, dira-t-on, qu'arriverait-il si tous les hommes embrassaient la continence, que deviendrait le genre humain? Plus à Dieu que tous eussent ce désir, inspiré, par la charité d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et, d'une foi véritable. 1 Timothée 1, 5. La cité de Dieu serait plus promptement remplie, et la fin du monde arriverait plus tôt. N'est-ce pas là ce que désirait l'apôtre quand il s'écriait, Je voudrais que tous vous fussiez comme moi, et ailleurs, voici ce que je vous dis, mes frères, le temps est court, que ceux qui ont des femmes vivent comme n'en ayant point, que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant point, et ceux qui sont dans la joie comme n'y étant pas, que ceux qui achètent soient comme s'ils n'achetaient pas, et que ceux qui usent de ce monde soient comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or je veux que vous soyez sans aucune sollicitude. Plus loin il ajoute, celui qui n'est pas marié, ne recherche dans ses pensées que ce qui peut plaire à Dieu, tandis que celui qui est engagé dans le mariage, s'occupe des choses du monde et cherche à plaire à sa femme. La femme mariée a le cœur partagé, celle qui ne l'est pas, n'est préoccupée que des choses du Seigneur, pour se rendre sainte de corps et d'esprit, tandis que celle qui est mariée se préoccupe des choses du monde et cherche à plaire à son mari. De là je conclus qu'à l'époque où nous sommes, il n'y a que ceux qui ne peuvent vaincre l'incontinence qui doivent se marier, selon cette sentence du même apôtre, ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 11. Même pour cela, le mariage n'est pas un péché, je le dis d'une manière absolue, sans aucune pensée de comparer le mariage à la fornication et de le montrer comme un moindre péché, car tout moindre qu'il serait, ce serait toujours un péché. Qu'opposerions-nous à cette parole évidente de l'apôtre, qu'il fasse comme il l'entend, en se mariant il ne pêche pas, et à cette autre, en prenant une épouse, vous n'avez pas péché, et en se mariant, la Vierge ne pêche pas. 1 Corinthiens 7, 28 à 36. Après des témoignages aussi formels, il n'est plus permis de douter que le mariage soit un péché. Ce n'est donc pas le mariage sous forme de pardon que l'apôtre permet, quelle absurdité de dire que ceux à qui l'on accorde le pardon n'ont pas péché. Ce qu'il accorde sous forme de pardon ou d'indulgence, ce sont ces relations matrimoniales qui se font par incontinence, non pas pour le seul motif de la génération, et quelquefois même sans aucun but de créer. Le mariage, loin d'exciter ces relations nécessaires, réclame pour elles l'indulgence et le pardon, pourvu toutefois qu'elles ne se multiplient pas jusqu'à ne laisser aucun temps destiné à la prière et qu'elles ne dégénèrent pas en abus contre les lois de la nature. C'est cet abus que l'apôtre stigmatisait quand il parlait de l'affreuse corruption des hommes impudiques et impies. Romains 1, 26, 27. Il n'y a de permis et de vraiment matrimonial que les relations nécessaires pour procurer la génération. Tout ce qui se fait en dehors de cette nécessité est inspiré, non plus par la raison, mais par la passion. Et cependant, si, en ne l'exigeant pas, on se contente de rendre le devoir à l'autre époux, pour le soustraire au crime de la fornication, on fait acte de soumission conjugale. Si les deux époux sont victimes de la même concupiscence, leurs relations ne sont plus entièrement conformes aux lois du mariage. Si pourtant ils préfèrent ce qui est honnête à ce qui est déshonnête, c'est-à-dire ce qui est du mariage à ce qui n'en est pas, l'apôtre les regarde comme dignes d'indulgence et de pardon. Ce n'est pas le mariage qui leur inspire cette conduite, mais il intercède en leur faveur, pourvu qu'ils n'éloignent pas la miséricorde divine, soit en ne se privant aucun jour pour se livrer à la prière, cette privation, comme le jeûne, donnerait du poids à leur supplication, soit en changeant l'ordre de la nature, ce qui devient un crime horrible pour des époux. Chapitre 11. De l'usage contre nature. Combien la virginité l'emporte sur le mariage. 12. Quand l'usage du mariage se fait dans l'ordre naturel, Mais en dehors de la procréation, il n'est que péché véniel pour l'épouse, mais il est péché mortel pour la concubine. Au contraire, l'usage contre nature, tout horrible qu'il est dans une concubine, le devient bien plus encore pour les époux. Tel est l'ordre établi par le Créateur et imposé à la créature dans les choses dont l'usage est permis. Excéder le mode légitime est une faute beaucoup plus pardonnable qu'elle ne l'est si elle se commet dans les choses défendues, lors même que l'abus serait très rare. Voilà pourquoi on tolère dans le mariage et dans les matières permises certaines licences immodérées, pour empêcher que la passion n'entraîne à ce qui est défendu. Ainsi, quelle que soit l'assiduité dont on obsède une épouse, on se rend par là beaucoup moins coupable qu'on ne le serait en cédant, ne fût-ce que très rarement, à la fornication. Mais si l'homme veut changer à l'égard de son épouse l'ordre de la nature, cette épouse est beaucoup plus coupable de permettre ce désordre sur elle, que si elle le permettait sur une autre. L'honneur conjugal, c'est la chasteté dans la génération, et la fidélité à rendre le devoir, telle est l'œuvre propre du mariage, œuvre proclamée exempte de toute faute dans ces paroles de l'apôtre, en prenant une épouse. Vous n'avez pas péché, la Vierge en se mariant, ne pêche pas, qu'elle fasse selon ses désirs, mais en se mariant elle ne pêche pas. Quant à exiger immodérément le devoir conjugal, l'apôtre a dit plus haut qu'il en faisait l'objet du pardon accordé aux époux. 13. La personne qui n'est pas mariée, dit l'apôtre, se préoccupe de glorifier le Seigneur et de se rendre sainte de corps et d'esprit. Mais ces paroles ne doivent pas être entendues dans ce sens, que, l'épouse chrétienne, si elle observe les règles de la chasteté, ne soit pas sainte de corps. En effet, c'est à tous les fidèles qu'il a été dit, « Ignorez-vous que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint, que vous avez reçu de Dieu. » 1 Corinthiens 6, 19. Si donc les époux se montrent fidèles à eux-mêmes et à Dieu, leurs corps sont saints. Cette sainteté, loin d'être détruite par un époux païen, reflue de l'épouse chrétienne sur l'époux infidèle, et de l'époux chrétien sur son épouse infidèle. C'est l'apôtre qui nous l'affirme par ses paroles, « L'homme infidèle a été sanctifié par son épouse, et la femme infidèle a été sanctifiée par notre frère. » Ibidem 7, 14. Cette proposition ne fait que confirmer celle qui établit pour les vierges une sainteté plus grande que pour les épouses, sainteté qui obtiendra une récompense proportionnée à son degré de mérite. La raison en est que la virginité permet de tourner vers Dieu toutes ses pensées. En effet, la femme fidèle, tout en observant les lois de la pudeur conjugale, ne peut pas ne penser qu'au Seigneur, sa perfection est donc moindre, puisqu'elle a aussi les pensées du monde en cherchant à plaire à son mari. C'est d'elle que l'apôtre a parlé en disant que le mariage lui impose la nécessité de penser aux choses du monde et de chercher à plaire à son époux. Markendanarchive.org, 2021, d'après bibliothèque monastique.ch et books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.